Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Enchanté, moi c'est Xavier, bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. Devant l'Assemblée des maires de France, le 18 janvier 2019, Emmanuel Macron a dit « Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux » et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Par le biais du discours de notre président, nous allons donc voir aujourd'hui si l'anonymat sur Internet est simplement une facilité pour s'exprimer, ou alors c'est simplement la faculté de ne pas assumer ouvertement tout ce que l'on pense. Et notre thème commence maintenant. Dernier podcast, nous avons abordé le thème de la discrimination dans notre société actuelle. J'espère que tout ce qui aura été expliqué et démontré vous aura guidé un petit peu. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème de société. Quand on voit un petit peu comment fonctionne Internet, et quand on voit les commentaires qu'il peut y avoir, je me suis dit que c'était assez important de pouvoir faire un thème sur l'anonymat par rapport à Internet. Tout ce qui peut être dit, comment est-ce que cela peut être dit, pourquoi est-ce que l'on dit ça, comment est-ce que l'on dit. Et est-ce que cela est dans un but de nous protéger, de faire une propagande, ou alors simplement d'exprimer une opinion en essayant de se protéger un petit peu, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut assumer cela? Nous allons donc séparer ce podcast en trois parties. Dans la première partie, nous allons voir quels sont les avantages et pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin d'anonymat sur Internet. Dans une seconde partie, nous allons voir toutes les dérives que cela peut amener. Et à quel point est-ce que c'est quand même mauvais d'avoir totalement de l'anonymat? Et enfin, dans une troisième partie, nous allons essayer de voir ce que dit exactement la loi. Même si sur le principe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de texte précis et officiel par rapport à la réglementation. Mais enfin, on verra cela plus tard. Et le programme commence donc maintenant. Nous allons donc voir dans cette première partie en quoi est-ce que l'anonymat sur Internet peut être vraiment important. Pour certaines personnes, cela peut être utile ou alors cela peut servir. Dans le sens où cela peut leur permettre de pouvoir exprimer leurs opinions tout en se garant d'une petite sécurité. Cela peut se passer au sein d'une entreprise où en fait un employé peut exprimer son mécontentement en toute liberté, pouvoir exprimer ses idées avec ses mots et avec sa propre vision, tout en évitant tout risque de répercussion par la suite. C'est ce que l'on peut appeler plus communément la liberté d'opinion. En tout cas, c'est une liberté d'opinion qui est vraiment sur le papier. Sur le papier ou sur la toile, bien sûr, dans ce cas-là. Chaque personne, à un moment, au sein de son activité professionnelle, au sein de son entourage familial, amical, peut avoir un mal-être. Et simplement, il y a certaines personnes qui se servent d'Internet pour pouvoir se défouler sur cela. Pour pouvoir mettre en avant certains points qui leur travaillent, qui leur tient à cœur, et au lieu d'aller consulter un psy, ils ont besoin de se vider, de pouvoir se lâcher quelque part. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où ils savent qu'ils en parlent auprès d'instances supérieures, ils ne seront pas obligatoirement écoutés. Donc, Internet, pour eux, peut être une petite alternative. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une finalité? Est-ce que ça peut vraiment servir? En tout cas, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme cela. Un autre type de cas dans lequel l'anonymat sur Internet peut avoir une influence en tout cas, cela peut être dans le cadre de harcèlement ou de violence que quelqu'un subit, que ce soit homme ou femme, bien sûr. Cela peut être du harcèlement ou de la violence conjugale, familiale, relationnelle ou alors physique dans la rue. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir besoin de témoignages, peuvent avoir besoin d'avis extérieurs. Et c'est vrai que Internet peut avoir cette petite faculté-là. Il peut y avoir des personnes, ou des contacts, ou des relations, par le biais d'Internet, qui peuvent donner des envies, ou un petit tilt, ou un petit déclic à la personne qui a tout subi, pour pouvoir aller porter plainte, aller voir un professionnel, concrètement un psychologue ou autre. Et c'est vrai qu'Internet peut avoir cette petite faculté de pouvoir faire en sorte que l'on puisse se renseigner avant de pouvoir faire quelque chose qui devrait être logique par tout le monde. Sauf que quand on est dans le cas concret, quand on est dans le cas de la situation, on n'est peut-être pas directement enclin quant au fait d'aller voir la police, d'aller voir un spécialiste, d'aller se confier à quelqu'un. Peut-être que des fois, certaines personnes peuvent avoir besoin d'un petit peu d'aide, un soutien ou un truc comme ça, ou simplement se renseigner sur les démarches à suivre d'une manière globale. Et en cela, l'anonymat peut être important parce que justement, peut se renseigner, peut prendre plein d'informations comme cela, mais sans dévoiler qui on est et sans dévoiler ce que l'on a vécu. En cela, on peut aller voir sur des forums aussi. On peut aller sur Internet, se renseigner, aller sur des forums de discussion et pouvoir se projeter et se renseigner. L'un des points qui peut jouer aussi par rapport à l'anonymat sur Internet, qui peut être important, c'est que comme tout le monde le sait, de plus en plus, on est amené à acheter des trucs, des produits, disques, DVD, tout ce que l'on veut sur Internet, sur des sites comme Amazon, Rue du Commerce, Le Bon Coin, eBay, tout ce que l'on veut. Et simplement, depuis plusieurs années, il y a quand même des pirates. Et malheureusement, les pirates sont de plus en plus perfectionnés. Ils arrivent de plus en plus à récupérer soit vos identifiants bancaires, ou alors votre numéro de carte bleue, ou alors votre adresse, pour pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent de leur côté. Il faut faire gaffe parce qu'en fait, de plus en plus, c'est vraiment énormément des sites à l'étranger qui arrivent à intégrer les serveurs web en France pour pouvoir prendre tout cela, tout ce qui vous appartient. C'est pour cela qu'il faut essayer de protéger le plus possible son identité et ses coordonnées personnelles. Je pense que c'est très facile à dire en théorie, mais c'est beaucoup moins dans la pratique, car on n'est pas toujours maître de tout ce que l'on dépose et de l'utilisation qui en est faite par la suite. C'est pour cela qu'il peut exister des navigations privées, des petits cryptogrammes sur le site où l'on achète pour se protéger au maximum. Et c'est pour cela que même sur le principe, il faut essayer d'éviter de trop laisser son adresse personnelle ou alors son nom un petit peu partout. Ou en tout cas, il faut vraiment sélectionner ce que l'on met, où est-ce qu'on le met et comment est-ce qu'on le met. Et à ce niveau-là, justement, l'anonymat est vraiment important pour éviter justement tout ce qui est fraude, usurpation d'identité et autres. Et pour voir le dernier point quant au fait que l'anonymat sur Internet peut être un bienfait, nous allons écouter le psychanalyste Serge Tisseron dans un entretien réalisé par Serge Magot, daté du 31 mars 2008. Qu'est-ce qui fait qu'autant de gens vont sur Internet raconter des morceaux de leur intimité, donc satisfaire à ce désir d'extimité? Pourquoi y vont-ils? Ils y vont parce qu'ils pensent que ça va renforcer leur estime d'eux-mêmes. Et on s'aperçoit que finalement, Internet est une énorme machine sur laquelle beaucoup de nos contemporains vont parce qu'ils y trouvent des gratifications, des satisfactions d'une nature très différente de ce qu'ils trouvent dans la vie quotidienne, et notamment la possibilité sous couvert d'anonymat de faire valider des parties de leur intimité. Je pense sincèrement que ce que l'on pourrait en déduire, c'est que l'anonymat sur Internet peut être mal vu dans la société hors écran. Maintenant, si on se met à la place de certaines personnes, je pense qu'ils ou elles peuvent se servir d'Internet pour essayer de se créer une seconde vie. On va dire se créer une vie virtuelle à défaut de pouvoir être plein et épanoui dans la vie sociétale. On va prendre un exemple qui peut être simple. Par exemple, une personne qui a un boulot qui ne lui plaît pas, qui est en couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui a une famille qui est un petit peu désœuvrée, et en fin de compte, une personne qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Il ou elle peut très bien essayer de se créer une seconde vie à travers un écran, par le biais de sites internet, de blogs, d'affiches. Par tous ces moyens, la personne peut très bien montrer ou démontrer aux personnes extérieures un style de vie et un style d'environnement qui pourrait peut-être plaire ou qui pourrait peut-être inspirer à d'autres personnes extérieures. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que cela peut tenir sur le long terme? Est-ce qu'il y a certains âges où c'est plus sensible que d'autres? Et comment est-ce que cela peut se passer dans l'avenir? Je pense que sur le principe, chaque personnalité va réagir différemment et va compenser à des niveaux différents. Maintenant, dans la seconde partie, nous allons voir les effets néfastes qu'il peut y avoir par rapport à l'anonymat sur Internet. Sur quel point est-ce que l'on peut être contre l'anonymat et à quel niveau est-ce que l'anonymat peut être dangereux par rapport à tout ce qui peut nous entourer d'une manière globale ou même par rapport à nous-mêmes. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous faire une petite pause musicale. venons donc d'écouter la chanson « Let's Go Home » de Jeremy Blake. Et maintenant, nous allons entamer notre seconde partie, dans laquelle nous allons voir un petit peu tous les points négatifs qu'il peut y avoir par rapport à l'anonymat sur Internet, jusqu'où certaines personnes peuvent aller sous prétexte d'être cachées, et toutes les dérives qu'il peut y avoir par la suite. Donc en fait, sur le principe, si jamais on peut voir les dérives qu'il peut y avoir par rapport à l'anonymat sur Internet, il y a plusieurs points que l'on peut étayer. Le premier point, je pense que c'est le plus important dans notre société actuelle, c'est le fait que l'on soit totalement anonyme, cela permet de pouvoir se lâcher. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses à travers un écran qui n'auraient jamais le cran, pour ne pas dire autre chose, de dire face à face avec la personne. Souvent, ce sont des propos qui sont réellement injurieux, cassants, démoralisants, détruisants. Et une personne qui n'a pas de recul peut aller très loin à partir du moment où elle prend pour argent comptant ce qui est dit par la personne qui est en face. Dans notre jargon actuel, c'est ce que des personnes appellent des haters. Haters, to hate, ça veut dire détester. Je vais vous passer deux extraits. Un premier extrait du jeu de la vérité où il y a eu Coluche dans les années 80 et vous allez entendre son discours. Que les gens qui étaient censés dire du mal de moi étaient sur le plateau et que ces gens-là ne l'auraient pas fait si j'étais resté. Donc pour que ces gens-là puissent vraiment vider leur sac, il fallait bien que je m'en aille, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que nous pratiquons là des émissions qui sont faites en fait pour la majorité du public qui n'aime pas un artiste. Mais n'importe qui a l'occasion là de déverser sa bile, de dire des horreurs s'il a envie de le dire et d'être en direct. Mais quand le type est sur le plateau, il se dégonflera tant que vous serez là. Aujourd'hui, je peux rester parce que vous êtes au téléphone et je pense que personne ne se grattera pour me traiter de tous les noms. Pour essayer de contextualiser cet extrait, il faut savoir que cela se passait dans une émission où en fait une dame voulait comprendre pourquoi est-ce que Coluche était parti d'un autre plateau télé en direct. Cela peut nous mettre en évidence le fait que l'être humain a besoin d'un espace pour pouvoir se lâcher, pour pouvoir dire ce qu'il pense et pour pouvoir dire quelque chose où il aurait peur de dire à une personne tierce en face. On peut essayer d'imaginer l'être humain comme étant une espèce de cocotte minute. Au bout d'un moment, si jamais la personne essaye de donner une image propre, clean, net et bien, vu que, par principe, aucun homme et aucune femme ne peut être 100% parfait et ne peut être 100% stable, la personne a toujours besoin de s'expulser au bout d'un moment et de pouvoir expulser tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle pense, et donc, bien sûr, même tout ce qui est mauvais. C'est pour cela que nous pouvons essayer de visualiser comme la vie réelle, civile, comme étant un espace de liberté, mais toujours très soft, et Internet comme étant un espace de relâchement, d'expulsion et d'expression négative. Quand on voit un petit peu comment fonctionne Internet d'une manière globale, si on part bien du principe par rapport à des forums, par rapport à des chats, par rapport à des échanges entre différentes entités, la plupart des échanges qu'il peut y avoir sont quand même très négatifs. Si on devait se baser sur un pourcentage, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, en 2020, il peut y avoir quand même, je dirais, 55, 60, 65% de négatifs où l'on vise des personnes directement, où les fameux haters dont on parlait tout à l'heure se lâchent totalement. Et je pense sincèrement, peut-être que je me trompe, que les mêmes personnes qui crachent sur des entités peuvent être en grande partie les mêmes personnes qui leur cirent les pompes ou alors qui sont tout doux avec eux à partir du moment où il n'y a pas d'écran. C'est très paradoxal, même quelque part très incompréhensif. Je vais vous passer un second extrait pour essayer de donner une autre vision, un petit peu plus moderne, mais qui peut être tout aussi ressemblant par rapport au contexte. L'autre point, quant au fait que l'anonymat sur Internet peut être réellement dangereux, c'est simplement l'influence des réseaux sociaux. On va prendre comme exemple Facebook, Instagram, Snapchat et autres. Sur beaucoup de ces sites-là et de ces applications-là, l'utilisateur peut utiliser des pseudonymes pour éviter de révéler sa véritable identité. Et malheureusement, lorsque l'on se rapproche du milieu scolaire, il peut y avoir des influences qui sont vraiment néfastes et vraiment dangereuses. Sur ce principe-là, nous allons donc écouter un extrait d'émission de 7 à 8 qui traite du cyberharcèlement. Attention, les extraits sont très durs. Des précautions qui ne sont pas superflues. Les victimes de cyberharcèlement ont souvent des pulsions suicidaires. Ninon n'a toujours pas compris pourquoi elle est devenue une cible. Ces 6 harceleurs étaient ses meilleurs amis. Elle connaît certains d'entre eux depuis la maternelle. Ils ont commencé à me harceler tout le temps, partout, même sur les réseaux. Enfin, souvent, on m'envoyait des messages genre « ta gueule, tu fais chier, t'es qu'une pute, c'est toi. Franchement, t'as rien à faire dans cette vie, tu nous gâches la vie. T'es qu'une salope qui de merde. » Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et sinon, ils prenaient souvent des photos de moi et ils la taguaient genre « grosse, elle doit se suicider. » Ils avaient fait une fois une pétition sur les réseaux pour que je me suicide. Ninon en vient à se scarifier, des entailles un peu partout sur son corps. Nous savons que sur le principe, l'adolescence est quand même une période critique pour les jeunes. C'est vraiment la période où ils ont besoin de se rechercher, où ils ont besoin de savoir qui ils sont et comment est-ce qu'ils doivent être en société, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir et avec toutes les sensibilités qu'ils ont par rapport à leur âge. Ils ont besoin de se confronter et de voir comment peuvent réagir leurs camarades ou leurs copains de classe. Et simplement, du fait que dans le système scolaire, il y a un cadre qui est quand même spécifique par rapport à la sécurité physique et intellectuelle de chacun, très vite, les jeunes, les enfants, les adolescents apprennent à se servir des réseaux sociaux, Internet, Facebook, Snapchat, Twitter et autres. Et malheureusement, c'est justement dans ces cadres-là qu'ils arrivent à trouver un exutoire. Indirectement, on peut dire que leur crise d'adolescence se déroule à travers un écran, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir par la suite. Et malheureusement, toutes les victimes en subissent toutes les conséquences. Malheureusement, la législation sur Internet peut permettre à des utilisateurs de ne pas utiliser leur véritable nom, et simplement trouver un pseudonyme. Pour certains, c'est juste de la facilité d'écriture. Pour certains, ce sera simplement dans un but de facilité d'écriture, mais pour d'autres, ce sera simplement pour se cacher un petit peu. Et pour pouvoir mettre en avant tous les méfaits qu'ils ont en projet de faire en toute impunité. Malheureusement, une fois que tout cela est fait et que le mal est fait, les jeunes qui ont mis tout cela en place par rapport à leur façon de penser, pour eux, c'est tout à fait normal. On ne va pas dire que tous les jeunes sont pareils. On ne va pas faire de quelques cas une généralité. Mais c'est quand même quelque chose qui se propage de plus en plus, malheureusement. Et en cela, l'anonymat sur Internet est quand même très dangereux. Mais je pense sincèrement qu'il faudrait vraiment trouver un système de sécurité encore plus performant pour éviter que n'importe quel jeune de n'importe quel âge puisse se mettre sur les réseaux sociaux et puisse prendre l'identité de n'importe qui ou alors se créer sa propre identité en toute impunité. Même si sur le principe, on sait très bien que c'est très facile à dire en théorie et beaucoup moins dans la pratique, simplement parce que les parents ne peuvent pas toujours être derrière à toujours tout surveiller. Et maintenant, dans cette troisième partie, nous allons essayer de voir ce que dit à peu près la loi et quelles sont les réglementations qu'il peut y avoir. Le seul problème, c'est que, à ce jour, on n'arrive pas à trouver de texte précis, législatif, par rapport au risque de l'anonymat sur Internet et aux répercussions qu'il peut y avoir. En faisant des recherches, on peut trouver la loi LCEN, c'est la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui stipule que, en fait, par rapport à Internet, on définit plusieurs acteurs, qui peuvent être les fournisseurs d'accès, les hébergeurs et les éditeurs de contenu. Ces trois entités-là peuvent être mises en action à partir du moment où il y a de la menace, du dépôt de plainte ou de la mise en justice. Et à partir du moment où certains de ces critères-là sont mis en évidence, la police nationale, la police municipale, les instances, les avocats ou les juges peuvent demander à ces entités de faire des recherches pour retrouver un nom, des photos, des numéros ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est pas encore penché intégralement sur les problèmes de l'anonymat sur Internet. On est conscient des répercussions qu'il y a, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret de mise en place. Cependant, l'anonymat sur Internet pourra faire un grand pas. Un projet de loi commence à être mis en avant. L'article du journal Sud-Ouest nous met cela en évidence. Il stipule exactement « Le gouvernement prépare pour 2019-2020 une loi consacrée à la lutte contre la haine sur Internet, qui pourrait se fonder sur un rapport de la députée Laetitia Avia. Parmi les voies envisagées, responsabiliser les plateformes des réseaux sociaux pour qu'elles suppriment plus vite les contenus haineux, pour qu'elles puissent faciliter les dépôts de plaintes et mettre fin à l'anonymat sur les réseaux. Pour être précis, ce projet de loi serait basé sur le modèle allemand. En Allemagne, la loi s'appelle Netzge. Cela peut se traduire par le contrôle des réseaux sociaux. Elle impose aux plateformes du web de supprimer en moins de 24 heures les contenus manifestement illégaux signalés. Elle impose aux plateformes du web de supprimer en moins de 24 heures les contenus manifestement illégaux signalés. En cas de manquement, les entreprises et les plateformes web peuvent s'exposer à des amendes qui peuvent monter jusqu'à 50 millions d'euros. En France, le montant maximal des sanctions prévues pour le moment dans le projet de loi est de 37,5 millions d'euros. Ce projet de loi aura quand même une portée européenne, mais je pense que c'est peut-être le meilleur moyen pour que les plateformes puissent agir pour éviter qu'il y ait tant de haine et tant de discrimination et tant de hargne sous couvert d'anonymat. Voilà, ce podcast est presque terminé. Pour le finaliser, je vais me permettre de vous donner un avis personnel. Je pense sincèrement que l'anonymat sur Internet est vraiment dangereux. Il y a quelques années, lorsque l'on était sur les prémices d'Internet, on va dire jusqu'à à peu près dans les années 2000, Internet avait vraiment la faculté de pouvoir nous aider dans nos recherches personnelles, sociétales, professionnelles ou alors internes. Simplement, depuis les années 2000, il y a eu en fait une espèce de dérive. Une espèce de dérive de haine où les gens ont commencé à se lâcher, à dire vraiment n'importe quoi et à pouvoir mettre en exergue toute la haine qu'ils peuvent avoir pour des personnes extérieures. Cela peut être par rapport à tout type de personnes, soit des personnalités, soit des personnes qui leur sont supérieures dans le niveau professionnel, soit au niveau de la famille, ou alors simplement par rapport à des personnes qui n'ont pas la même façon de vivre qu'eux. Cela peut être aussi bien au niveau des étrangers, des homosexuels, masculin et féminin, des femmes, ou alors simplement tout type d'entité dont ils n'arrivent pas à comprendre les principes de vie. Et c'est vrai que lorsque l'on voit sur les réseaux sociaux, je pense que Twitter est quand même le réseau social le plus important, dans le secteur où les gens peuvent se lâcher, vis-à-vis de la pensée et des paroles. Depuis quelques années, il y a quand même eu une espèce de dérive communautaire, raciale, sexuelle et du genre, qui peut vraiment amener à de la haine. Et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ces types de personnes qui parlent sous couvert d'anonymat prennent une ampleur de plus en plus importante dans notre vie gouvernementale et sociétale. Je pense sincèrement que à la base, ce sont vraiment des minorités, mais l'ensemble de ces minorités font que cela forme un espèce d'amas de personnes qui prennent une place vraiment très importante dans tout ce qui nous entoure, et on a peut-être un petit peu trop tendance à mélanger entre la haine des personnes sous couvert d'anonymat sur Internet et les autres personnes dans la vie réelle. Maintenant, la question à se poser, c'est, par rapport à l'avenir, comment est-ce que cela peut se passer? Est-ce que réellement et sincèrement, des personnes qui se cachent derrière un écran peuvent avoir une influence totale sur le mouvement d'une société? Il y a quelques années en arrière, j'aurais dit non, c'était impossible. Sauf que maintenant, avec l'avancée des réseaux sociaux, et quand on voit leur importance, je pense qu'il faut se poser la question, et il faut savoir jusqu'où cela peut aller, et jusqu'à quel point cela peut être dangereux. Même si on comprend bien qu'il peut y avoir certaines personnes qui ont besoin de se cacher, pour se trouver elles-mêmes, il y a quand même une différence entre se rechercher soi-même, et se questionner sur ce que l'on est, et déverser de la haine à travers un écran. Et voilà, ce podcast est enfin terminé. J'espère que vous avez bien apprécié, en tout cas. Et je voulais simplement préciser un tout petit truc. C'est que simplement, tous les faits et tout ce qui est relaté sur ce podcast sont basés sur des avis personnels et sur des recherches internes, littéraires, sociétales, documentaires et aussi par rapport à des rencontres. Sans avoir la réponse miracle, je pense que l'on peut très bien essayer d'avoir un regard extérieur pour donner un avis plus ou moins objectif. Mais après, il n'y aura que la personne qui va écouter cela qui pourra se faire sa propre opinion et avancer comme il ou elle l'entend. En vous souhaitant le meilleur et à très bientôt sur un nouveau thème.